Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire trois micro-nouvelles tirées du livre « Ne vous fiez jamais à un chauffeur de bus nu ». Alors, cela promet. Je vais vous lire un petit peu qui est Jacques Douglas, l'auteur. Il est né en Amérique en 1908. Il est mort en 1989. Il écrit pour la radio, la télévision et il écrit beaucoup de livres humoristiques. Il dit de lui. Après avoir passé ses 8 premières années dans la vitrine d'une animalerie et l'essentiel du restant de sa vie dans un élevage de moutons perdu au fin fond de l'Australie, d'abord comme berger, ensuite comme mouton, Monsieur Douglas a écrit son troisième livre. C'était censé être son second, mais parce que beaucoup de ses amis l'ont prévenu que le second était le plus dur à écrire, il s'est directement attelé au troisième, qui s'est révélé aussi difficile à écrire que le second. Alors le voici, le quatrième livre de Jack Douglas. Fils d'un voleur international de bijoux et d'une femme pur sang, Monsieur Douglas fut enlevé à l'âge de 11 ans par des gitans myopes, puis revendu à ses parents, qui était tout aussi myope. Monsieur Douglas vit aujourd'hui dans les quartiers en vogue du nord de New York, au dernier étage d'un immeuble en feu. Son hobby, jouer de la guitare électrique avec les mains mouillées. Bien. Donc, je vais commencer par ce qu'il écrivait quand il était tout petit. Au camp, alors là, c'est compliqué, au camp Monopokopomokonomopko. Il écrit ça le 17 juillet 1958 à Bridgeton, dans le Maine. Mais c'est plein de bourrées de fautes d'orthographe, je suis désolée, je ne peux pas vous les citer toutes. Chère maman et papa, un des enfants est tombé dans le lac et s'est noyé aujourd'hui. Herbie a été mordu par un serpent à sonnette aujourd'hui et on a eu de la tarte aux pommes aujourd'hui et on n'a pas eu ski nautique aujourd'hui parce que Monsieur Mohan s'est cassé deux de ses jambes et Melvin aussi. J'espère que j'aime la montre que vous m'apportez si vous venez me voir bientôt. Mon conseiller est un PD. Je peux aussi. Je pense pas que ça coûte plus cher. Votre fils Louis. Donc, l'année suivante, jour pour jour, au camp Nokopokopo, Konomopko, toujours à Brighton dans le Maine, chère maman et papa, me revoilà encore au camp cette année où vous m'avez envoyé encore cette année. C'est le même camp que vous m'avez envoyé l'année dernière. Et me revoilà là, au même camp. Monsieur Mohan, qui était le prof de ski nautique jusque tard cette nuit, c'est quand ils ont trouvé son corps, dans un motel là-bas à Windham, qui est une petite ville près de notre camp qui a un motel. Madame Mohan, qui est la femme de Monsieur Mohan, n'a pas pleuré du tout parce qu'elle était contente, même qu'elle l'avait tué, m'a dit mon conseiller. Merci beaucoup pour l'impair que vous m'avez envoyé. Je l'ai donné à Herbie. Je me trompais sur ce que j'ai dit de mon conseiller l'an dernier. C'est pas un PD. Mais moi, oui. Votre fils, Louis. Bien, ça, c'était quand il était petit. Donc, il grandit un tout petit peu, notre jeune homme, et il arrive au chapitre 5 pour écrire « Le garçon qui criait au dinosaure ». Le petit Johnny Lauderbin était comme tous les autres petits garçons du voisinage, dans la petite ville de Tom's Lake, New Jersey. Il lisait le Coran, marchait sur le feu, s'enfonçait des épingles à chapeau dans les joues, en totalité, et chaque dimanche, il assistait au sacrifice humain rituel au Stonehenge du coin. Le petit Johnny était un druide orthodoxe. La seule chose qui distinguait vraiment le petit Johnny Lauderbin des autres, c'était son imagination. Il était doté d'une imagination sans limite, ce qui lui causait parfois des ennuis, car il avait pour habitude d'inventer des histoires qu'il racontait comme si elles étaient vraies. Alors évidemment, au bout d'un moment, plus personne ne croyait un mot de ce que disait le petit Johnny. Il se mit ainsi dans une situation très regrettable et très périlleuse, comme nous allons le voir en suivant le petit Johnny jusqu'à son terrain de jeu favori, le Grand Marais. C'était vraiment un grand marais, grand, sombre, et pour Johnny, extrêmement intéressant. Il passait la plupart de son temps là à parler à ses petites amies les grenouilles. À force, celles-ci apprirent à connaître le petit Johnny assez bien, car il en profitait pour leur faire exploser la tête avec sa carabine 22 longs rifles. Les petites grenouilles survivantes se disaient que c'était vraiment un sale tour qu'il leur jouait. Mais elles ne firent rien pour y mettre un terme, essentiellement parce que le petit Johnny était le seul petit garçon de leur connaissance assez gentil pour leur adresser la parole. Un jour maussade de printemps, tandis que le petit Johnny s'amusait à son numéro habituel, mêlant tribune libre et massacre de grenouilles, il sentit quelque chose qui respirait très fort et très haut derrière lui. Il se retourna et le regretta aussitôt. Là, au beau milieu du marais, était vautré un brontosaure, Brontosaurus, le plus grand des dinosaures. Tout d'abord, même l'imagination de Johnny refusa d'y croire, mais c'était bien réel. L'énorme tête reptilienne, culminant à près de 20 mètres dans les airs, et le corps de plusieurs tonnes à moitié recouvert de boue et de vase, se trouvait à moins de 50 mètres des yeux stupéfaits du petit Johnny. La première pensée à peu près clair qui lui traversa l'esprit, fut qu'il pourrait peut-être entamer une conversation, comme il l'avait fait avec les petites grenouilles. Mais, se dit le petit Johnny, que diable peut-on dire à un brontosaure ? Quel temps fait-il là-haut ? Conduisez-moi à votre chef. Ou ne nous rappelez pas, c'est nous qui vous rappellerons. Johnny écarta tous ces sujets de discussion lorsque le monstre se libéra soudain lourdement du marais, dans un bruit de succion, et s'avança sur la terre ferme en la faisant trembler et en écrasant tout sur son passage. « Maman, maman, maman !» cria Johnny en se précipitant dans la cuisine. « J'ai vu un dinosaure dans le marais, un horrible dinosaure monstrueux !» « J'espère que tu n'as pas joué avec, mon chéri, » répondit sa mère. « Le docteur Mosby dit qu'ils sont pleins de microbes. » C'est ainsi que les choses se passèrent. Pour la première fois de sa vie, le petit Johnny Lauderbin disait la vérité. Il parla du dinosaure à tout le monde à Tom's Lake, mais personne ne le crut, ce qui le fit fulminer de rage. « D'abord, se dit-il, si c'est vraiment ce qu'ils veulent ?» Le lendemain, dès l'aube, le petit Johnny était de retour dans le grand marais avec un sachet de cacahuètes. Il ignora les bonjours amicaux de ses amis les petites grenouilles et se rendit directement à l'endroit où il avait vu le brontosaure la fois précédente. Et la créature était bien là, avec l'air encore plus grand et plus terrifiant. Si une telle chose est possible, Dans la brillante lumière matinale, Johnny siffla comme on le ferait avec un chien. Et aussitôt, le corps énorme du monstre se figea. Dans les airs, il tournait la tête à gauche et à droite. Johnny siffla à nouveau et tendit le sachet de cacahuètes bien en vue. Le brontosaure s'immobilisa. « Cacahuètes ?» expliqua le petit Johnny. Le brontosaure ne bougea pas. « T'aimes pas les cacahuètes ?» demanda le petit Johnny. Le brontosaure ne répondit pas. « Ok, » dit le petit Johnny. « Si t'en veux pas, c'est moi qui vais toutes les manger. » Immédiatement, le brontosaure en voulut une. À mesure que les jours passèrent, le brontosaure se mit à beaucoup aimer le petit garçon et ses cacahuètes. La gigantesque créature, comme s'en rendit vite compte le petit Johnny, était prête à faire n'importe quoi pour une cacahuète. Le brontosaure, d'après l'encyclopédie, est doté de deux cerveaux distincts. Mais, même ainsi, le total des deux additionnés ensemble n'atteint qu'un QI de moins 3. Néanmoins, le petit Johnny prit soin de traiter ce monstre, simple d'esprit, avec le plus grand respect. Il se figura que, stupide ou pas, il valait mieux ne pas plaisanter avec quelqu'un dont les pattes pesaient 14 tonnes. Un mot de travers à un brontosaure et vous vous aplatissez pendant un bon bout de temps. Or, le petit Johnny préférait ne courir aucun risque. Il avait de grands projets pour son monstrueux animal de compagnie. Car le petit Johnny n'avait pas oublié les rires moqueurs qu'il avait accueillis partout quand il avait parlé du brontosaure, qu'il avait vu dans le Grand Marais, même dans sa propre famille. Fin août, le petit Johnny sentit qu'il était prêt à passer à l'action. Son brontosaure dressé aux cacahuètes obéissait à tous ses ordres promptement et sans poser de questions. C'était une agréable soirée de pleine lune. Le petit Johnny, sa mère, son père, son frère et sa sœur aînée se balançaient à l'unisson dans leur rocking chair sous le porche. L'atmosphère était harmonieuse et jusqu'ici, en tout cas cette nuit-là, les choses s'étaient bien passées. Une impression inhabituelle de douceur et de légèreté les envahissait tous. Ils étaient en paix avec le monde et les uns envers les autres. Le petit Johnny attendit un silence approprié. Enfin, juste au moment où la lune disparaissait derrière un petit nuage, il dit d'une voix posée « J'ai vu un dinosaure dans les marais aujourd'hui. » « Quel genre de dinosaure ?» demanda son frère, abondant dans son sens. « Il y a plusieurs espèces différentes, tu sais. »« Je sais, » répondit le petit Johnny. « Celui-ci est un brontosaure. »« J'espère que t'as pas joué avec, mon chéri, » intervint sa mère, comme s'y attendait Johnny. « Le docteur Mosby dit qu'ils sont pleins de microbes. » Toute la famille Lauderbin, à l'exception du petit Johnny, rit de cette remarque maternelle tellement spirituelle. Le docteur Mosby devrait éviter de raconter partout ce genre de mauvaises blagues sur un brontosaure, dit le petit Johnny. Le brontosaure pourrait très bien finir par s'énerver contre lui, et énerver un brontosaure, ce n'est pas franchement conseillé. Vas-tu répéter à ce brontosaure ce que le docteur Mosby a dit sur lui ? Demanda sa sœur aînée, histoire de s'amuser aussi. « Ça oui !» répondit le petit Johnny en se levant. « À plus tard !» Inutile de préciser que le docteur Mosby, son joli cottage de Cape Cod, son garage attenant, ses rosiers, son saule pleureur et sa pelouse d'un vert velouté furent rasés illico de la surface de la terre. Tout ce qu'ils retrouvèrent jamais furent les lunettes à double foyer brisées du bon docteur et quelques épluchures de cacahuètes. Mais ce n'était que le début. Chaque nuit qui suivit, Johnny et Lolita, comme il l'appelait désormais sa nymphette préhistorique, écrabouillèrent quelques incroyants de plus. Systématiquement, un pâté de maison après l'autre, la ville de Tom's Lake disparaissait. Une nuit où il eut la main heureuse, le petit Johnny fit marcher le brontosaure sur le collège, alors que s'y tenait une réunion de parents d'élèves et de professeurs. « Thérapie de groupe », expliqua-t-il à Lolita. En très peu de temps, il ne resta plus de la petite ville qu'une série uniforme de cratères remplis d'eau de pluie. Le petit Johnny, sa mère, son père, son frère et sa sœur aînée, par une autre chaude soirée d'été et de semi-communion, étaient réunis sous le porche baigné par la lueur de la lune. Le petit Johnny brisa le silence. « J'ai vu un dinosaure dans les marais aujourd'hui. » Puis, il retint sa respiration, résigné à ce qui allait suivre. « J'espère que tu n'as pas joué avec, mon chéri. Le docteur Mosby dit qu'ils sont pleins de microbes. » Le petit Johnny hésita, mais seulement un instant. Puis, il siffla trois fois. Presque aussitôt, le sol se mit à trembler. Puis, il s'ébranla avec une puissance incroyable, tandis que le brontosaure de 120 tonnes traversait dans un bruit de tonnerre la ville dévastée pour arriver jusqu'à la pelouse des Lodervines. Le petit Johnny lui tendit une cacahuète. « Marche sur maman !» dit-il. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Eh bien voilà, il me reste une troisième toute petite histoire. Le chapitre 9. Docteur Bourgeon, le chirurgien novice. La chirurgie arboricole, à la différence du dressage d'un oryctérope ou d'un arbousier, n'est pas chose aisée. D'abord, vous devez apprendre comment soigner un arbre malade. Ensuite, vous devez entrer à l'université pour apprendre combien facturer vos services. Une fois votre diplôme en poche, vous devez faire votre internat dans un petit taillis de broussailles. Après 2 ans passés à scier des brindilles et à vider des seaux de sève, vous devenez enfin chirurgien arboricole à part entière et avez le droit d'accrocher votre plaque en bois de celui dans lequel vous êtes spécialisé. Le docteur Bourgeon, notre héros, un chirurgien arboricole novice, n'avait pas encore traité son premier patient. Assis dans son cabinet rikiki, il fumait nerveusement branche de cubèbe sur branche de cubèbe, attendant que le téléphone sonne. Il aurait donné n'importe quoi pour avoir un patient dans son cabinet, ici et maintenant. Il aurait même accepté de partager ses honoraires avec le docteur Davet, pionnier de l'arboriculture. La porte du cabinet s'ouvrit et le tira de sa rêverie anxiogène. C'était son infirmière, Mademoiselle Eucalyptus. Un homme venait d'arriver accompagné d'un jeune bouleau dont l'état nécessitait des soins médicaux. « Faites-le entrer !» hurla presque le docteur Bourgeon. L'homme en question, une brute à l'air vicieux et au nez cabossé, entra d'un pas lourd et traînant avec lui un jeune bouleau d'allure maussade. « Blessure par balle accidentelle !» déclara l'homme. Le docteur Bourgeon fit allonger le bouleau sur la table d'opération, informant en même temps son redoutable visiteur que toute blessure par balle, accidentelle ou non, devait être signalée à la police, et tendit la main vers le téléphone. « T'occupe !» lança l'homme d'un ton hargneux, en sortant brusquement une carabine à canon pas scié. « Mais pourquoi ne pas le signaler à la police ?» demanda le docteur Bourgeon en fixant l'homme de ses yeux bleus scotch à l'eau. « Parce que, » répondit l'homme, sans parvenir à maîtriser le tremblement de sa lèvre inférieure, « je suis le chef de la police. » « Oh !» fit le docteur Bourgeon en sortant brusquement son stéthoscope. Le docteur Bourgeon avait examiné beaucoup de cas au cours de ses longues années de pratique de la chirurgie arboricole. Il n'y avait guère d'arbres sur Elm Street qui n'aient été un jour ou l'autre opérés par le vieux doc Bourgeon. Souvent, les douces soirées d'été, on entendait un arbre bruisser aux autres. « Les filles, il faut que je vous raconte pour mon ciment. » Le ciment fut la ruine du docteur Bourgeon. Ça et son extrême myopie. Par une nuit de novembre, en pleine tempête, on appela le vieux doc afin de pratiquer d'urgence une appendicectomie sur le saule pleureur de Madame Cécile Flore. Le vieux doc effectua l'opération dans la cuisine et, en dépit du fait que Madame Cécile Flore attendait des jumeaux d'un moment à l'autre, et malgré la recommandation de son médecin de ne pas boire d'alcool, Madame Cécile Flore gisait sur le sol de la cuisine, ivre morte. Mais, laissez-moi préciser tout de suite que si, pendant que le docteur Bourgeon opérait le saule pleureur, Madame Cécile Flore était restée sobre et consciente, si le vieux doc myope n'avait pas laissé tomber et casser ses lunettes, si les lumières ne s'étaient pas éteintes quand la tornade avait emporté le toit de la maison, tout cela ne serait jamais arrivé. Pauvre Madame Cécile Flore, à la place du saule pleureur, c'est elle qui eut droit au ciment. Le lendemain matin, dans la froide grisaille de l'aube, le saule pleureur mourut et le docteur Bourgeon réalisa soudain ce qu'il avait fait. Il sauta aussitôt dans un train de marchandises et partit pour une destination inconnue. Quelques semaines plus tard, Madame Cécile Flore entra à l'hôpital et donna naissance non à des jumeaux, mais à des triplés. Un garçon, une fille et une vasque pour les oiseaux. J'ai pas pu m'empêcher de rire en lisant cette histoire abracadabrante. Et puis donc, comme j'avais l'humeur gaie, je vous ai choisi Jerry Lewis. Allez, rock'n'roll. Allez, à tout bientôt sur Radio Gémozo. Passez une bonne semaine. One. Thank you.